Les beaux discours et les promesses, de la poudre aux yeux, le mascara sur ses longs cils, de la poudre aux yeux, et tous tes plans sur la comète, de la poudre aux yeux. Et si tu crois que tout est facile, t'as de la poudre aux yeux. Les projets t'es suivis de la maladie, de la poudre aux yeux. Pense pas qu'hier est mieux que demain, ça sera de la poudre aux yeux. Et si tu sens que la peur te paralyse, tout ce que raconte les parasites, de la poudre aux yeux. Escampette, images et belles paroles, j'm'embête. Nerf à vif mais pas naïf, on change de vie mais pas sur un coup de tête. Eh hey, princesse, tu sais que t'es belle quand tu fais la gueule. Tu sais, poteau, ta meuf, la respecte comme ma soeur. La poudre aux yeux sert à faire grandir les cœurs, sert à mettre du joli dans le sale, peut embellir une peine de cœur. Poudrière chargée, le manne vanne les peines de cœur de cette femme. La flamme se rallume et cette fleur à quelle allure se fane. Imagine, tout ça n'est qu'un rêve, un coma et maintenant tu te lèves. En fait, tu te connais plus, tu réalises ton vrai univers. Mais le réel fait mal une fois enlevé les œillères. La poudre aux yeux, ça pique et met la tête à l'envers. Du beau monde, beaucoup de paroles pour une parole. La poudre aux yeux, c'est quand t'es con et que tu te trouves drôle. C'est quand t'es au vent, que t'es avant. Et dans le mal, tu trouves du bon. Tu parles fou, car en effet, on vit de faux pour pas se dire au fond. Les beaux discours et les promesses, de la poudre aux yeux. Le mascara sur ses longs cils, de la poudre aux yeux. Et tous tes plans sur la comète, de la poudre aux yeux. Et si tu crois que tout est facile, t'as de la poudre aux yeux. Les projets t'es suivis de la maladie, de la poudre aux yeux. Pense pas qu'hier est mieux que demain, ça sera de la poudre aux yeux. Et si tu sens que la peur te paralyse, tout ce que raconte les parasites, de la poudre aux yeux. On nous parle tous de démocratie, c'est de la poudre aux yeux. Une dictature déguisée par les élites qui les poussent au meurtre. Ils font des débats et se battent pour nous parler de toi. Pour nous faire croire que dans les urnes, à la fin t'auras le choix. Y'en a pas un pour attraper l'autre, ils nous prennent pour les cons. Les élections, c'est l'heure du souci de ceux qui dorment sur les ponts. Ils passent la pommade pour faire taire ceux qu'on a pommade. Car pour prendre du poids, faut savoir caresser dans le sens du poil. Ils disent ce que tu veux entendre, c'est pendant qu'on les écoute que nos yeux coulent face à leur propagande. C'est flagrant, les médias ont choisi leur camp. En vrai, cesser cette mascarade, ça évitera que l'on perde notre temps. Les jeux sont vus mais manipulés, car les gens sont faits montrer du bout des doigts, tu te dédouanes. Une fois la chanson faite et c'est reparti pour 5 ans. Quand c'est la fin d'un cycle, ils dansent tous le fringe cancan une fois que le train siffle. Les beaux discours et les promesses, de la poudre aux yeux. Le mascara sur ses longs cils, de la poudre aux yeux. Et tous tes plans sur la comète, de la poudre aux yeux. Et si tu crois que tout est facile, t'as de la poudre aux yeux. Les projets t'es suivis de la maladie, de la poudre aux yeux. Pense pas qu'hier est mieux que demain, ça sera de la poudre aux yeux. Et si tu sens que la peur te paralyse, tout ce que raconte les parasites, de la poudre aux yeux. Ça marche à reculons, la tête baissée. Les beaux discours et les promesses, un bon business pour bien te faire baiser. Les apparences flatteuses sont souvent trompeuses. L'écart se creuse quand je te mate les yeux. Ça sent la poudreuse, je prépare une avalanche de grains de sable. Tu viens te laver les mains, tu ferais bien le mytho de laver ton linge sale. Je resserre les dos quand les échos me reviennent aux oreilles. La trahison, une punition, sans la confiance c'est plus pareil. Tu te sens heureux, t'es large, tu t'arraches la tignasse. Tu te fâches, tu fais la grimace, on crache sur ta poudre aux yeux. J'écoute et j'analyse les faits. Quand le mal est troublant, on peut le ressentir en effet. On fuit le plus souvent sans avoir compris les faits. Que l'homme devient choquant quand il vient de manquer de respect. Ok, y'a pas de secret dans toutes ces illusions. Juste un écran de fumée qui vient brouiller ta vue en noir et blanc. Les beaux discours et les promesses, de la poudre aux yeux. Le mascara sur ses longs cils, de la poudre aux yeux. Et tous tes plans sur la comète, de la poudre aux yeux. Et si tu crois que tout est facile, t'as de la poudre aux yeux. Les projets t'es suivis de la maladie, de la poudre aux yeux. Pense pas qu'hier est mieux que demain, ça sera de la poudre aux yeux. Et si tu sens que la peur te paralyse, tout ce que raconte les parasites, de la poudre aux yeux.